je changerai de vie. Si tu me le demandais, sur toi je veillerai jour et nuit. Je crierai des sérénades où tu chantes ma flamme. Je lèverai des bas.